Olivier Gueff, la berceuse du pouvoir. Aux dealers en blouse blanche. Dors bien, mon bébé. Dors. Ne sache rien. Ignore. Sur ce monde, ferme les yeux. Dors là bien. Tu seras heureux. Je suis l'infirmière qui veille à ce qu'un langoureux sommeil lourd engourdisse tes misères. Présence dans ta solitude, témoin de ta décrépitude, je suis le sable du désert. Dors bien, mon bébé, dors. Ne sache rien, ignore. Sur ce monde, ferme les yeux, dors là bien, tu seras heureux. Repose-toi là sur ce sable aride et sec. Dors, misérable, mais heureux de ne savoir pas, aveugle où conduiront tes pas. Ne sache que tes privations, conscience de ta condition. Dors bien, mon bébé, dors. Ne sache rien, ignore. Sur ce monde, ferme les yeux, dors. Là, bien, tu seras heureux. Ne sois rien d'autre que conscience. Dépose le savoir, la science. Ce sont là de trop lourds fardeaux sous lesquels se romprait ton dos. La sagesse est une ignorance. Et l'ignorance, une innocence. Dors bien, mon bébé, dors. Ne sache rien, ignore. Sur ce monde, ferme les yeux, dors. Là, bien, tu seras heureux. Je suis le saint que tu t'étas. Je suis ton grand ami, l'État. Repose-toi sur moi, bébé, abdique toute liberté.